Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Ce soir, on est vendredi, qui dit vendredi dit billet de sortie. Comme d'habitude, florilège d'annonces d'événements à venir pour le week-end et la semaine prochaine. Donc d'événements culturels, d'événements de notoriété publique et d'événements, plus historiques. Enfin voilà, comme d'habitude. Et quelques choix musicaux, 5 musiques d'ailleurs. Donc je vais vous laisser sans parler pendant plus longtemps. Hein, je vais déjà passer la première musique, le premier morceau. Le morceau s'intitule Silver Ocean, pardon, du groupe Vaiteani. Vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi. Donc on s'écoute ce premier morceau et on se retrouve juste après. Silver Ocean and golden sun in the blue crystal sky. Precious stones that you'd like to buy. Sweet scented scents and wind in your hands. And so for the rain, this cover a brand new feeling, a brand new day. Yes, I try another kind of addiction. Educate your sense of vision. I say try another kind of sensation. Come and share some natural wisdom. Silver ocean and golden sun in the blue crystal sky. I take over the precious stones that you like to buy. Sweet scented scents and wind in your hands. And so for the rain, this cover a brand new feeling, a brand new day. As I try another kind of addiction. Educate your sense of vision. I say try another kind of sensation. Come and share some natural wisdom. C'était Vaiteani pour son morceau Silver Ocean. Vous êtes de retour dans l'heure des loups pour le billet de sortie. Et d'ailleurs, le billet va pouvoir commencer. On va débuter avec le don du sang, comme on a l'habitude de le faire maintenant, vu que l'établissement français du sang est dans les Vosges en ce moment. Et le prochain don, donc pour la semaine prochaine, ce sera jeudi 22 novembre de 16h à 19h30 dans la deuxième salle du gymnase municipal de la commune de Rue-sur-Moselle. Alors pour ceux que ça intéresse, ce sera tout l'après-midi du jeudi 22 novembre à Rue. On a eu un petit appel du centre des tronches, le centre de scoutisme à Saint-Étienne-lès-Remiremont ou dans les Sud de Remiremont. Donc le centre d'accueil et d'animation Les Tronches organise son assemblée plénière locale, un peu comme une AG, ce samedi 17 novembre à 10h au 238 chemin des Tronches à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Ils sont à la recherche de personnes intéressées pour soutenir le projet des Tronches, créer une maison créative et citoyenne, une résidence de jeunes, des groupes d'action et de recherche, le développement d'unités de scoutisme laïque. Un repas est offert à l'issue de l'assemblée. On va parler bourse et bourse aux jouets, livres de loisirs, articles de puériculture et décoration de Noël. Ce sera à Saint-Nabord au centre socioculturel dimanche 18 novembre de 9h à 17h. Il y aura de la petite restauration, de la buvette disponible, un accès libre. Et pour ceux qui veulent proposer des choses à vendre, hein, la table coûte 8 euros. Donc pour plus de renseignements, on vous suggère de joindre Céline au 06 86 06 15 50. Et puis voilà, donc pour la bourse jouets, livres de loisirs, actes de périculture et décoration de Noël, le dimanche 18 novembre de 9h à 17h à Saint-Nabord au centre socioculturel. Comme on est dans les bourses, hein, il y a une bourse au ski à Éloy le samedi 17 novembre 2018 qui se déroulera à l'espace culturel d'Éloy, bien sûr en face de la mairie. Le dépôt du matériel se fera le samedi matin de 9h à midi et la vente au public aura lieu de 14h à 16h. Le règlement et les reprises des invendus se feront de 16h à 16h30 et comme chaque année, une part des bénéfices de la vente sera reversée au profit du Téléthon. On a une annonce par l'association de la garderie Amstramgram qui vous invite à une soirée Beaujolais Nouveau, samedi 17 novembre 2018 à partir de 20h au Palais des Congrès de Remiremont. La soirée coûte 12 euros par adulte, hein, qui comprend une assiette de dégustation charcuterie fromage, un verre de Beaujolais Nouveau qui est offert et l'entrée gratuite pour les enfants. Ce sera une soirée dansante avec DJ, buvette et restauration sur place et les inscriptions se font auprès de Marie-Alice au 06 63 27 71 91. Toutefois, ils se permettent quand même de nous rajouter que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Voilà, c'est la première partie de ce billet de sortie. On va s'écouter un premier spot pour notre cagnotte Eloasso et après un deuxième morceau de musique qui s'intitule La Nébuleuse de Lisa Portelli. Savez-vous que Radio Guimauzo est une radio associative, non commerciale, libre et indépendante? Alors pour soutenir notre radio, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook. En haut, à droite, un petit bouton bleu, faites un don via la plateforme de LOASO. Don déductible des impôts, donnez ce que vous voulez à partir de 2 euros. Toute l'équipe de Radio Guimauzo vous dit merci. Merci! Merci! Merci! Merci à tous! Merci! Merci! Merci. Elle rêve d'être belle, elle rêve d'être grande. Elle rêve d'avoir les choix des bonheurs qu'elle veut prendre. Elle rêve qu'elle ne rêve pas et va y arriver. Vous avez entendu à l'instant La Nébuleuse de Lisa Portelli. Le billet de sortie peut continuer et on va continuer tout simplement avec la rubrique culture. À commencer par l'exposition Peindre la nuit au Centre Pompidou Metz qui a lieu du 13 octobre 2018 au 15 avril 2019, donc on a le temps. Donc à découvrir au Centre Pompidou Metz, une source d'inspiration majeure de l'histoire de l'art, la nuit continue de fasciner les artistes au 20e et 21e siècle. Francis Bacon, Louise Bourgeois, Max Ernst, Claude Monet, Pablo Picasso ou Gerhard Richter. Plus qu'un thème, la nuit est un environnement propice à l'imagination des peintres et au vertige. Le musée ouvre ses portes du mercredi au lundi de 10h à 18h. En avril, les horaires seront élargis, mais là, il n'en est pas encore question. Et sinon, le vendredi, samedi, dimanche, les portes seront ouvertes de 10h à 19h pour l'exposition « Peindre la nuit » au Centre Pompidou, Metz. Ainsi font... C'est un festival de marionnettes et de théâtre d'objets qui a lieu du 7 au 30 novembre à Neufchâteau. D'ailleurs, en ce moment, qu'est-ce qui nous concerne ? Donc, il y a déjà l'exposition Marie-Laure des boîtes. Hein. Le vernissage a lieu le vendredi 16 novembre à 18h30. C'est d'ailleurs l'ouverture du festival. Donc, si vous voulez, rendez-vous à Neufchâteau. L'entrée pour cette exposition est libre. Hein. C'est une exposition autour de marionnettes que j'ai déjà annoncée plus d'une fois. Et s'il y a autre chose qui commence, c'est de la création par la compagnie Elitrop qui fait du théâtre. Le samedi 17 novembre 2018 à 10h30. C'est un spectacle tout public qui dure 30 minutes environ et qui coûte 4 euros. Et ce spectacle, c'est un spectacle de marionnettes, matière et musique pour les petits de 3 mois à 6 ans. Une musicienne arrivée d'il y a longtemps sème des graines de son sur un îlot fait d'une drôle de matière, douce et mouvante, un univers de fibres accueillant et moelleux. Un personnage, la joueuse, venue d'ailleurs, découvre le lieu, joue avec la matière, la malaxe, s'y enfouit. Gloutonnement. À son tour, la falaise se réfugie dans ce nouvel espace, s'approprie les matières en les apprivoisant, leur donnant forme. De fils, de laine, de marionnettes, et tout le monde prend vie. Donc c'est pour le spectacle Création qui a lieu le samedi 17 novembre à 10h30, et le lundi 19 novembre aussi, c'est accueil scolaire, et mardi 20 novembre aussi, c'est un accueil scolaire. Donc comme je disais, le spectacle dure 30 minutes et coûte 4 euros pour le festival Ainsi font à Neufchâteau. J'avais fait une émission à ce sujet lundi avec Xavier Battistella de la Maison de la Bresse. Et oui, ça y est, il y a vernissage pour la nouvelle exposition Prise de tête de Jacques Struss. Donc vendredi 16 novembre à 19h hein, pour le vernissage. Et samedi 17, pardon, l'exposition sera ouverte à tous. Alors comme on l'avait dit dans l'émission de lundi, je vous fais un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là. Jacques Struss est un artiste qui s'amuse à faire des photomontages surréalistes qui ont un regard un petit peu doux, amer sur la vie actuelle, en particulier sur les réseaux sociaux. Alors si ça vous tente, eh bien rendez-vous à la Maison de la Presse pour l'exposition Prise de tête de Jacques Struss. En parallèle, comme d'habitude, il y a une exposition de Christophe Claudel, hein, Animalement Vosges. C'est une exposition photo très intimiste avec les animaux animaux de la forêt, avec la nature, un regard que qu'aucun autre photographe jusque-là n'a pu avoir. Donc si vous voulez avoir l'impression d'être ami avec les renards ou d'être en paix avec la nature, eh bien allez voir aussi l'exposition de Christophe Claudel intitulée Animalement Vosges. Vous voulez peut-être savoir quels sont les horaires d'ouverture de la Maison de la Bresse ? Eh bien, c'est du samedi au dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h. Et sinon, du lundi au vendredi de 15h à 18h. Par contre, du 22 décembre au 6 janvier, c'est ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h. C'est pour l'exposition, les expositions, prise de tête de Jacques Strus et Animalement Vosges de Christophe Claudel. Et pour les autres, je vous les raconterai en temps venu. Je vous avais annoncé déjà un spectacle la semaine dernière et d'ailleurs, oui, il est temps de vous le rappeler. Donc le vendredi 16 novembre à 20h30 au Centre culturel Gilbert Zoc à Remiremont, il y a Saut, un solo de danse contemporaine chorégraphié et interprété par Susana Marcelino. Dans ce spectacle rythmé par la langue portugaise, Susana évoque sa douleur et sa révolte face à son père, maçon immigré qui n'a jamais compris que la danse puisse être autre chose, qu'une dépravation. Elle raconte aussi comment la découverte de la danse a changé son destin. Donc pour ceux que ça intéresse, rendez-vous vendredi 16 novembre à 20h30 au Centre culturel Gilbert Zoc de Remiremont. Ce spectacle gratuit, il faut le préciser, est proposé dans le cadre des rencontres avec le Portugal par le conseil départemental de la médiathèque intercommunale de la Porte des Vosges méridionales. Voilà, et on va se retrouver dans quelques instants, toujours dans la rubrique culture, mais avant tout avec un petit spot pour notre région Grand Est. Du 3 au 18 novembre, la région Grand Est organise pour la première fois la quinzaine des librairies indépendantes. À cette occasion, venez rencontrer et discuter avec des auteurs, demander des dédicaces, participer à de nombreuses animations et découvrir de nouveaux livres. Du 3 au 18 novembre, poussez la porte des 40 librairies indépendantes qui participent à cette opération. Une organisation de la région Grand Est qui se livre et s'illustre. Plus d'infos sur www.grandest.fr. Le cinéma Le France est à Remiremont dans le cycle des commémorations du centenaire de l'armistice et en partenariat avec l'association Cinémarcade vous propose des diffusions de films. Alors il y en a des qui sont déjà passés, j'ai fait le tri pour vous. Mais la prochaine c'est dimanche 18 novembre à 18h, film intitulé Cessez le feu de Emmanuel Courcolle. Et ensuite jeudi 22 novembre à 20h, ciné-concert La Grande Parade de King Vidor avec Gaël Mével, violoncelliste et compositeur. Donc le tarif normal est de 5 euros et le tarif adhérent pour le Cinémarcade est de 4 euros. Voilà, ça c'est pour la fin de la rubrique culture du billet de sortie. On va retrouver un morceau musical avec Poupée de Evelyne Gallet et on se retrouve juste après. Ses doigts de fée, des poupées au corps de laine, un collant retourné de boutons pour les elle yeux. Fait de ses doigts de fée, des destins par centaines qu'elle s'est imaginé chaque fois qu'elle se sent deux. Et chacun de ses polichinelles sont pour elle autant de vie réelle, car elle n'ose pas cesser de penser que choisir c'est renoncer. Elle met tout ce qu'elle a aimé dans ses poupons de fortune, secrètement rangés dans un coffre d'ébène. Tout ce qu'elle a aimé, ses amours incertaines, son cœur à partager chaque fois qu'elle se sent une. Des barbus, des banquités rebelles, des très beaux et même une Isabelle lui font enfin cesser de penser que choisir c'est renoncer. Elle sait que c'est du passé, les années font leur ouvrage, leur effilé, plus qu'un bouton de chemise. Elle sait que c'est du passé, et pourtant elle reprise le tissu rapiécé, revoilà son visage. Au milieu des volants de dentelle, tournent ensemble ses petits bouts d'aile, elle se met doucement à danser en voulant les embrasser. Et entraînée dans le ritournelle, elle regarde ses reflets de flanelle, toutes ces vies qu'elle a traversées lui feraient recommencer. Et c'était Poupée de Evelyne Gallet. Vous êtes toujours dans le billet de sortie. Et on se retrouve cette fois pour la rubrique musique. Une rubrique tournée autour de la souris verte cette fois. Donc le prochain concert à annoncer, c'est le samedi 17 novembre à 20h30. Pour ceux qui aiment le Death, Morbid Angel, Black Sabbath, The Black Dahlia Murder, vous aurez l'occasion d'écouter No Return, Merciless et Obsidium à La Souris Verte. Donc No Return, c'est un groupe de métal français mélodique death thrash qui enregistre son premier album Psychological Torment en 1990. Depuis, le groupe a continué à partager sa passion pour la musique métal, se produisant aux côtés de groupes tels que Arch Enemy, Samael, Napalm Death, Sepultura, Motorhead et bien d'autres, tout en publiant régulièrement de nouveaux albums. Merciless sort son premier album KVLT en 1987, Abject Offerings, produit par Colin Richardson, Carcass, Machine Head, Napalm Death. S'enchaînent d'ailleurs plusieurs albums suivis d'innombrables concerts en Europe. Une approche vraiment personnelle du death metal impie qui a immédiatement valu au groupe la reconnaissance mondiale qu'il méritait. Et enfin, Obsidium, c'est un groupe de modern death metal qui allie habilement, technique, violence et efficacité. Originaire d'Épinal et influencé par les groupes tels que The Black Dahlia Murder, Wretched, Obsidium a enregistré son premier album Lesson of Hatred, sorti le 1er mai 2017. Donc pour ceux que ça intéressait, à la Souris Verte le samedi 17 novembre à 20h30, les tarifs donc ceux de 15€ pour le tarif plein, le premier tarif réduit est de 12€, le deuxième tarif réduit est de 9€ et pour les moins de 15 ans c'est de 8€. On a aussi jeudi 22 novembre à 20h30 Vaiteani qui sera en concert avec T. Beyo. Et oui, si j'ai passé Vaiteani en début d'émission, c'était pour ça. Donc c'est pour ceux qui aiment Ben Harper, Noah Weiss, Luc et Vaiteani, c'est l'hymen hybride de l'Alsace et de Tahiti. À la guitare ou au piano, Vaiteani, qui signifie source céleste en polynésien, déploie le large éventail de ses émotions sur des mélodies nacrées et chante un autoportrait sensible qui nous ressemble. Elle raconte que Ben Harper lui a transpercé l'âme et que Beyoncé parle à son corps. Luc distille ses arrangements délicats, ourlés de percussions nomades. Alchimiste et touche-à-tout, il puise son inspiration autant dans une chanson de Jordi Savall que dans les broderies miniatures de La Cora de Toumani Diabré. Et Tebeyo, donc c'est une voix puissante, un chant d'ailleurs aux langues mêlées, un appel du monde pour tenir debout. Seul avec sa guitare et ses ukulélés, Tebeyo nous invite à la lumière des lendemains les plus tôt. Donc c'est le jeudi 22 novembre à 20h30 à la Souris Verte. Les tarifs d'entrée sont de 15€ pour le tarif complet, le premier tarif réduit est de 12€, le deuxième tarif réduit est de 9€ et les moins de 15 ans c'est 8€. Et dernier concert à annoncer, d'ailleurs on fera une émission à ce sujet la semaine prochaine si tout va bien. Il y aura Dubiosa Collective, un groupe Wozniak et Les Trois Fromages qui seront en concert le vendredi 23 novembre à 20h30. Donc Dubiosa Collective est considéré comme le porte-parole officieux de la jeunesse de Bosnie-Herzégovine. Ayant grandi sous les bombardements de Sarajevo, ce collectif bosnien s'est forgé une solide réputation par les shows incandescents et un discours militant contre toutes les oppressions. Dans son cocktail combustible, Dubiosa arrose le folklore bosnien des musiques actuelles. Hip-hop, metal, électro, dub, raga, ska et rock, une fusion parfaitement calibrée pour dynamiter les scènes. Et Les Trois Fromages, le trio breton de rock'n'roll, où Eric et Thibaut vient de sortir son quatrième album « Maman, j'ai raté l'avion ». On s'attend à y retrouver tout ce qu'on aime chez eux, des chansons, refrains entêtants, des parodies hilarantes, des explorations musicales et inspirées. Donc c'est les vendredis 23 novembre à 20h30, je le répéterai la semaine prochaine. Les tarifs c'est entre 8€ et 20€. Donc voilà. Et c'est déjà la fin de cette rubrique musique. On va s'écouter un nouveau morceau intitulé « Mère Émeraude » de Danny Terreur et on se retrouve juste après. Une mer émeraude. costume en silence, les couleurs de l'aube, là où se penche l'écume se déhanche au rythme là du creux de la vague. J'y ai fait naufrage un soir de novembre, le ciel thank you. Et c'était Mère Émeraude de Dany Terreur. Vous êtes de retour dans le billet de sortie. Et on arrive avant la conclusion à notre dernière rubrique qui s'intitule rubrique conférence. Avant toute chose, l'association des petits débrouillards en partenariat avec la CCI des Vosges à Épinal organise le 22 novembre de 15h à 17h un débat que nous appelons Café des sciences, événement ayant pour but de réunir le grand public et des experts autour d'une thématique actuelle et ou des faits de société. Ce prochain Café des sciences aura donc pour thème « Nouveaux modes de consommation ». Il aura lieu à l'hôtel-restaurant Lorée du Bois à Vittel. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de l'action Stop Linky 88. Eh bien, c'est le moment d'agir en justice contre Linky. Il y a une présentation du Link Action. C'est une conférence publique organisée par Stop Linky 88 avec Catherine Fèvre et Julien Fouret, qui sont avocats. Elle a lieu le jeudi 22 novembre 2018 à 20h à Épinal, à l'amphithéâtre de la faculté de droit, rue de la Mai. Donc pour ceux que ça intéresse, hein, l'action Stop Linky 88, rendez-vous le jeudi 22 novembre 2018 à 20h à l'amphithéâtre de la faculté de droit à Épinal. Dans le cycle 2018-2019 des conférences de l'UCP Nancy, Université de la Culture Permanente, les lundis à 14h45 au Centre Culturel Gilbert Zoc, il y a, comme chaque semaine, une conférence. La prochaine conférence a lieu lundi 19 novembre à 14h45, bien évidemment. Conférence intitulée « Le credo populiste à l'écran, regard du cinéaste Frank Capra sur l'Amérique des années 30 ». Cette conférence sera dispensée par M. Claude Lefoïc, maître de conférence honoraire pour l'Université de Lorraine. Et dernière conférence avec la parenté boutique Découverte, Massage, Métamorphose le mardi 20 novembre à 14h30. C'est une découverte animée par Charlotte Scheyer, professeure de yoga, relaxologue et facilitatrice, et elle travaille aussi dans l'Access Bars, une forme de massage bien-être. Il y aura d'ailleurs présentation et automassage de cette pratique pour débloquer le stress profond. Il est suggéré d'ailleurs d'avoir une tenue confortable. L'atelier est gratuit, tout public, sur inscription, donc à la Parenté Boutique, mardi 20 novembre à 14h30. Et on arrive déjà tout doucement à la conclusion de l'émission et le dernier morceau qu'on va s'écouter, c'est Écrit d'invention de Leïla Huissou, qu'on reçoit d'ailleurs lundi, et on se retrouve juste après. Je dis je t'aime tout de suite, je te ferai pas attendre six couplets où j'argumente, où je t'explique combien je trouve beau ce que tu es. T'écris mieux que moi, et si c'est pour te chanter ce que tu sais, je laisse ouvert sur le mot amour le dico juste sous ton nez. Puisque c'est une histoire de lettres, je vote pour l'écrit d'invention. Le chant lexical du peut-être sera demain dans ma version. Demain on sera plus qu'en foutre de nos rides au coin des yeux. Les tiennes, je me moquerai de ton bidon. Si tu ris de mes gaines, si tu ris de mes gaines. Mais on sera les rois des planches, ôtés dansant du village. On s'y aimera le dimanche, envié par tout le voisinage. Demain on passera pour des cons. Floride. Ah, ça y est, vous avez l'habitude, le générique a débuté et qui dit générique dit déjà moment de se dire au revoir. Mais avant toute chose, je rappelle, vous avez entendu le morceau écrit d'invention de Leïla Huissou. Donc, comme d'habitude, un générique programmation de la semaine et du week-end. Et la prochaine émission, c'est à 21h, Vincent, pour vivre et créer la montagne. Puis, de la musique jusqu'à demain matin, 7h-8h, pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant. Comment ça se passe pour les podcasts, je vous l'expliquerai juste après. Donc samedi 17 novembre à 8h30, ce sera Les Vosges samedi de Hélène de Radio Caraïbes Nancy. Puis 10h midi, Musette Partie avec Cyril Renaud. On retrouvera la dernière rediffusion du billet de sortie samedi 17 novembre, de 19h à 20h. Et d'ailleurs, pour ceux qui auront loupé le coche ou qui veulent le réécouter, le podcast sera disponible sur notre site internet radiogemozo.eu dans rubrique émission et rediffusion l'heure des loups. Ou sinon sur notre page Facebook Radio Gemozo. Elle est aisément écoutable, aisément téléchargeable sur ordinateur, tablette, smartphone, tout fonctionne. Où est-ce que j'en étais ? Non, ça c'est bon pour le billet de sortie. Et après, samedi soir, donc toujours le 17 novembre, à 21h, ce sera rediffusion de Rock à la Casbah de jeudi soir. Et enfin, de minuit à 1h, donc dimanche matin très tôt, rediffusion de Débat Déo qu'on a eu hier soir sur l'avenir de l'humanité. Dimanche matin, dès 7h, rediffusion de Musette Partie de Cyril Renaud de la veille, donc de samedi. Puis dimanche à 10h, rediffusion de Salut les 60 avec Gérard. 16h, J'ai aimé, je vous le lis avec Dominique. Et enfin, Jazz Time de Radio Déclic dès 22h pour le dimanche soir. En espérant que vous ayez passé un très très bon week-end et j'espère qu'on se retrouvera lundi de très bonne humeur avec, comme je le disais, Leïla Huissou pour son album Auguste. Donc je vous en dis pas plus, mais j'espère que les extraits que j'ai déjà passés dans mes émissions vous ont plu. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, j'espère que ce billet de sortie et les musiques choisies vous auront plu. On se retrouve lundi 18h à l'antenne. Bonne soirée et bon week-end à tous.